Get this on. Va pas nous la faire à nous. Jamais. Je connais des femmes qui toco, yeah. Seulement sur Instagram. En vrai, tu la vois, tu cours après minuit. Y'a plus de cendrillon, premier de la classe. Seulement dans l'avion, maman mérite d'avoir son pavillon. Audemars Piguet, c'est pas d'occasion. D'après ce que les femmes m'ont dit, depuis que je perds, c'est plus des célibataires. On fait monter le chiffre des télos. Moi, Naya Congo, je suis le fils de mon père. Gradu Robigo, t'as dû foniquer le game comme Escobar. Celui qui essaye de nous jeter l'œil, on va lui fermer de force en lui mettant un coca. T'as quitté la ville sans un alibi, tu n'es plus des nôtres. C'est même plus la peine de revenir, ta go ne t'attend pas. C'est bien fait pour toi comme une mexicaine qui a voté Trump. Nous on ne se trompe pas jamais. Sous contrôle, tout est sous contrôle. Sous contrôle, la zone est sous contrôle. Et sous contrôle, tout est sous contrôle. Et sous contrôle, la zone est sous contrôle. Ce violent, c'est violent, énervé comme Charon. Je fume de la femme quand je suis marron. Et si je viens de monter, personne doit séparer. On est des gars méchants cachés dans tout Paris. Quand tout est carré, le gang il est barré. J'assure la route de mon fils, je ne veux pas le laisser vendre du cannabis. Bisso, hein? Oh, c'est fuité par jour. Bitch, je veux connaître mon budget, je suis dans le bendo, je fais des milliers par jour. C'est là un truc. T'as quitté la ville sans un alibi, tu n'es plus des nôtres. De la paix. C'est même plus la peine de revenir, ta go ne t'attend pas. Chemin. C'est bien fait pour toi comme une mexicaine qui a voté Trump. T'as voté Donald. Nous on ne se trompe pas jamais. Sous contrôle, tout est sous contrôle. Sous contrôle, la zone est sous contrôle. Carrément. T'as du regard, oui. Je les prends de vitesse, j'allume mon blunt. Je parfume la pièce, dans le CLS. Tout est sous contrôle, faire du sale d'adjou ça paiera. Tout est sous contrôle, t'inquiète ça paiera. Elle n'est pas jalouse, elle sait que tout roule. À part si c'est Burgo, je connais la route. Elle se met les rouges, on a mis le turbo. Tout est sous contrôle, faire du sale risque ça paiera. Tout est sous contrôle, t'inquiète ça paiera. Sous contrôle, tout est sous contrôle. La zone est sous contrôle, est sous contrôle, tout est sous contrôle, est sous contrôle, la zone est sous contrôle.